Bonjour mon pays, tu m'as jamais vu, moi aussi. Bonjour mon Congo, tu m'as jamais vu, moi aussi. J'aimerais qu'on s'arrête quelques minutes, j'aimerais que je m'arrête quelques minutes. Mais c'est impossible, est-ce logique? Non, c'est impossible, c'est toi qui choisis mon pays d'amour. Ah, là je monte à bord. Bonjour Congo, c'est mon pays, serré et fort, ça c'est mon pays. C'est mon pays, serré et fort, ça c'est mon pays. Bonjour Congo, c'est mon pays, serré et fort, ça c'est mon pays. C'est mon pays, serré et fort, ça c'est mon pays. Encore quelques minutes, je suis sur le point de chute. J'aperçois les chutes, le soleil tape mon chapeau. C'est pour toi que je suis là, je viens te dire bonjour. Maintenant que je suis là, je ne veux plus te quitter. Impossible que je me sauve, ma wawa, que je me sauve, ma wawa.